British Connection, enfin l'émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios rock. Salut, c'est Arnaud Devillard dans British Connection. Alors on va parler d'un livre que j'ai écrit et qui paraît le 31 mai 2024 aux éditions Le Mot et le Reste. Ça s'appelle Dire Straits, l'Amérique fantasmée. Alors Dire Straits, hein, c'est un groupe britannique formé dans la banlieue sud de Londres à la fin des années 70, pleine période punk. Mais il a surtout été l'incarnation des années 80, avant de se dissoudre au début des années 90, un peu dans la différence, il faut le dire, et en pleine période grunge. Alors pour faire simple, on parle là d'un groupe énorme à l'époque. Hein, c'est des tournées mondiales monstrueuses, un succès commercial insensé, surtout en Europe et en Australie d'ailleurs. Mais aux États-Unis, en fait, il n'avait même pas besoin de cartonner tellement ça marchait pour eux, c'est eux-mêmes qui le racontent. Alors par contre, Dire Straits n'a jamais beaucoup été en odeur de sainteté chez les critiques rock. Et encore aujourd'hui, hein, d'ailleurs. Parce que, justement, il incarne une décennie 80 qui est souvent méprisée par les tenants d'un rock pur et dur, sans artifice. Pourtant, au départ, hein, d'ailleurs, c'est un groupe qui a les deux pieds plantés dans l'americana, le blues, le rock'n'roll, la country, le country rock. C'est une formation à deux guitares, un soliste, un rythmique, une basse, une batterie, point, on va à l'essentiel. Le guitariste-chanteur J.J. Kell, c'est une des influences majeures de la musique, du groupe. Hein, c'est ce musicien qui symbolise un style qu'on appelle laid-back, hein, qui est un style en retenue, où ce qui compte, c'est autant ce qu'on joue que ce qu'on joue pas. Bob Dylan, grosse influence aussi, qui a plusieurs fois croisé la route du groupe. Chet Atkins, hein, guitariste-producteur de Nashville, qui est à la fois mentor et qui deviendra ami du leader et guitariste-twist de Dire Straits, Martin Fleur, dont on va beaucoup parler dans les minutes qui viennent. Donc tout ça, ça fait le creuset de la musique du groupe. Mais d'album en album, il va s'en écarter, sans se renier, c'est pas ça, mais c'est plutôt qu'il veut élargir ses horizons sonores et surtout faire en sorte que chaque disque soit différent du précédent. Il n'y a pas une formule qui se répète d'un disque à l'autre. Quoi. Ça, c'est très intéressant chez ce groupe, avec du pour et du contre, mais c'est louable. Donc entre 78 et 92-93, Dire Straits, ça donne 6 albums studio, un maxi 45 tours de 3 ou 4 titres, hein, selon les pays où il est paru. 2 albums live et puis un disque de vieilles sessions de la BBC qui sort en 95. À ce moment-là, le groupe il a déjà disparu de la circulation. Alors je voudrais faire deux précisions à propos de mon livre. C'est que d'abord, c'est pas une biographie, c'est une exploration de l'évolution musicale, hein, du groupe. On passe d'un quatuor country rock à un géant de rock de stade avec synthétiseur à foison et saxophone, pour caricaturer. On va détailler les disques, leur fabrication, leurs inspirations, on va parler des tournées, des collaborations, puis voilà, comment on passe d'une esthétique à l'autre, quoi. On va parler aussi de la carrière solo de très fournie de Mark Knopfler, ses albums, ses bandes originales de films, les artistes qu'il a produits aussi, comme ben Bob Dylan, tout simplement. mais par contre, il n'y aura quasiment rien sur la vie privée et les phrases des rockstars, parce qu'en fait, il n'y en a pas chez Dire Straits, c'est un peu chiche de ce côté-là. C'est-à-dire que tout ce qui fait le plaisir coupable des bios consacrés, par exemple, je sais pas, aux Stones, à Led Zeppelin, aux Guns N' Roses, tout ça, vous n'avez pas chez Dire Straits. Et la deuxième chose, c'est que ce livre, c'est une réédition. Il est d'abord paru en septembre 2015, et depuis, hein, même si le groupe n'existe plus, il s'est passé des choses, en fait. Dire Straits a été introduit au Rock'n'Roll Hall of Fame, il y a des archives discographiques qui sont parues, bon, la carrière solo de Martin Fleur a continué, il y avait un disque qui est sorti pas plus tard qu'au mois d'avril dernier. Et puis depuis 2015, des anciens du groupe ont continué de livrer des témoignages. Hein, je suis tombé sur pas mal de nouveaux interviews, des podcasts, des chaînes YouTube, qui n'existaient pas à l'époque. Et le bassiste historique du groupe, John Isley, il a aussi publié lui-même un livre sur ces années Dire Straits. Donc tout ça fait que ça donnait envie de mettre le livre à jour, quoi. Ce qui se traduit par des chapitres allongés, refondus, des parties entières réécrites, et un chapitre complet qui a été ajouté. Donc voilà, avant de continuer là-dessus, je vais vous proposer d'écouter un titre de leur tout premier album, paru en juin 78, Setting Me Up. Out before you get down, and it's a squeeze me down. better give it up. Give it up. Yeah, give it up. Quit your messing around. British Connection avec vous depuis 1982. You rock! Alors, Dire Straits, pour moi, c'est une longue histoire. C'est le tout premier groupe de rock que j'ai vu en concert. C'est le groupe à partir duquel j'ai découvert beaucoup de choses dans la musique rock. J'écoutais déjà énormément les Beatles, un peu les Rolling Stones, The Wall de Pink Floyd. Mais là, je découvre tout un univers qui est en gros celui de du rock à guitare. Quoi. Et de fil en aiguille, Dire Straits va me mener à Clapton Cream, aux Blues Breakers, à Roy Gallagher, à J.J. Cale, à Neil Young, à Steve Earle, et tout un tas de choses que je me suis mis à écouter ensuite. En gros, Dire Straits, c'est la pierre fondatrice de mes goûts musicaux. Et je commence à les écouter au collège en 87-88, et je deviens dingue. Les guitares de Mark Knopfler me rendent fou, les cassettes tournent en boucle toute la journée dans mon Walkman, même la nuit dans mon lit ou sur mon vélo. J'ai des posters dans ma chambre, on en parle avec les copains tout le temps, on demande aux profs d'anglais de nous traduire Money for Nothing et Chicks for Free, on change de chanson préférée tous les trois jours, on fait des comparaisons débiles avec d'autres groupes, on est intolérant, bref, on est ado quoi. Donc j'habitais une petite ville rurale et il n'y avait pas de concert de rock, pas de magasin de disques, pas de librairie. Et c'était l'époque d'avant Internet, donc il n'y avait pas de streaming, pas de MP3 illégaux, pas de clé USB, donc il faut trouver les bons copains, qu'on les dise, qui manquent, pour les copier. Et quand on veut reprendre un morceau de la guitare, on va pas chercher la tablature en ligne ou un tuto YouTube. Il faut écouter la cassette, choper la note, appuyer sur pause, repartir en arrière, réécouter, rechoper la note, etc. Donc pour trouver des infos, bah, c'est pareil, hein, c'est compliqué. Les magazines, un peu dans les journaux, avec ce que vous imaginez de la critique française qui était capable de dire que la chanson Roméo et Juliette avait un merveilleux son de banjo. Voilà. Donc pendant longtemps, je ne saurais pas grand-chose du groupe, mais je suis un peu trop mubilé par les chansons, de toute façon, la compréhension des paroles, la traque des clips à la télé. Ce qui fait que quand je les vois en 92, c'est un genre de climax, quoi. C'est la première fois que je vois un groupe et que je les vois eux. Je prends tout sans me poser de questions, quoi. Le son pourri, la foule hurlante, les oreilles qui sifflent, je suis au bord des larmes, et avec Mark Knopfler devant moi, chemise blanche, guitare Pensasuroku, moi ça me suffit, quoi. Et je les vois une deuxième fois, 6 mois plus tard, et là je me rends compte que je suis moins à fond. J'ai un regard et une oreille peut-être plus critique, plus distante peut-être, je sais pas, je note des choses qui ne me plaisent pas, des chansons que j'ai pas envie d'entendre, je trouve le concert lui-même... un peu figé, et tout ça, ça me surprend moi-même d'ailleurs. Mais en fait, au fond, je suis juste en train d'évoluer, tout simplement. J'écoute différemment, avec une oreille de quelqu'un qui écoute de plus en plus de choses. Et voilà, quoi. C'est cette ambivalence que, du coup, j'ai voulu retranscrire dans l'ouverture du livre, où je raconte ces concerts. Parce qu'en fait, il n'y a rien de pire qu'un livre où est écrit le mot « génial » toutes les deux lignes. Ça n'a aucun intérêt, et je voulais à tout prix éviter ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir mêler le bon et le moins bon. d'expliquer en quoi un groupe est important, malgré ce qu'on peut lui reprocher ou malgré ce qu'on peut estimer être des ratés. Un groupe qui expérimente, et c'est le cas de Astuès, hein, c'est un groupe qui se plante, ou du moins qui déçoit ou qui tape à côté des attentes, ou même à côté de ses propres attentes. C'est un processus normal, hein, des choses. Donc dans le livre, c'est ce que je fais, quoi. C'est-à-dire que pour chaque disque, je mêle les commentaires pile et face, hein, en gros, venant de musiciens, de producteurs, de collaborateurs. Certains trouvent génial d'accompagner Mark Knopfler sur scène, comme Tarifa Lindes, et puis d'autres sont moins enthousiastes, hein, comme le clavier Tommy Mandel, ou le batteur Chris Wheaton, tout ça je le mets, quoi. Par exemple, j'aime beaucoup les chansons du disque Communiqué, deuxième album. Et c'est intéressant d'expliquer que du point de vue global, c'est un album qui est pas très bien structuré, puis expliquer pourquoi. Et à l'inverse, vous avez Brother in Arms, 85, qui est le disque par lequel Dire Straits a accédé au statut de superstar, hein, 30 millions d'exemplaires vendus, l'album qui a popularisé le format CD, les tubes Walk of Life et Money for Nothing, avec son riff de guitare à sauter au plafond ou à tomber par terre, hein, c'est selon, moi j'ai fait les deux. Ben, c'est un disque qui est très construit, qui est très pensé, qui est très bien structuré, mais qui est figé dans une sorte de fascination pour la technologie, et là-haut aussi, c'est intéressant de le dire et de dire pourquoi. Voilà, donc avant d'aller plus loin, je vous propose d'écouter justement un titre de cet album, So Far Away. British Connection, British Connection, British Connection. So far away from me. You're so far away. You are listening to British Connection, the best radio rock show in the galaxy. Quand j'ai repris mon livre pour le mettre à jour en fin 2023, la première chose que j'ai voulu modifier, en fait, c'est la conclusion. Je me suis rendu compte qu'à l'époque, en 2015, je l'avais consacré non pas tant à Dire Straits qu'à Mark Knopfler. Parce que c'est vrai que Dire Straits peut être vu comme le groupe d'un seul homme, Mark Knopfler donc, qui est le guitariste soliste, le chanteur, l'auteur-compositeur, le producteur. Les chansons, ce sont toutes les siennes, la vision artistique globale, c'est la sienne, les orientations musicales, c'est lui qui les donne. Quand le groupe revient à l'automne 91 avec l'album On Every Street, après un hiatus de 6 ans, en fait c'est assez évident que le disque a déjà des airs d'album solo. Alors tout ça, ça n'a pas toujours été facile. Il y a deux membres de la formation originelle qui quittent le groupe en fait entre 80 et 82, dont son propre frère cadet, David Knopfler à la guitare rythmique, et le batteur Pete Withers. Et entre autres, parce que l'ambiance de bande de potes des débuts a disparu, avec le succès et surtout avec les ambitions de Mark Knopfler. Mais l'intéressé, il l'a souvent dit, hein, le succès lui a permis de faire ce qu'il voulait. Et le premier gros changement de la musique du groupe, c'est l'introduction de claviers, à partir de l'album Making Movies en 80. Le piano, l'orgue, et puis plus tard les coups de synthétiseur, le synclavier aussi, vont devenir partie intégrante du son du groupe. Et la preuve, c'est que quand Dire Straits est introduit au Rock'n'Roll Hall of Fame en 2018, les quatre musiciens de la formation originelle sont honorés, mais aussi les deux claviers qui sont arrivés plus tard, Alan Clark et Guy Fletcher. Les claviers vont pas mal changer la manière de composer de Mark Knopfler, en fait, et lui faire voir de plus en plus grand. Alors, en gros, une chanson va devenir comme la bande-son d'un film, voire un film pour les oreilles, comme disait Lou Reed. Alors sur scène, les chansons vont être pas mal transformées, des séquences d'ouverture créées spécialement pour les concerts, des interludes, des intermèdes ajoutés au milieu des titres les plus emblématiques, comme dans Sultans of Swing ou Tunnel of Love. Et tout ça, peu à peu, ça va se faire même au détriment de la guitare. Car on ne peut pas parler de Dire Straits et de Mark Knopfler sans parler de guitare. Parce que Knopfler, c'est vraiment ce genre de guitariste qu'on reconnaît tout de suite, alors une ou deux notes. Un peu comme dans d'autres genres, un Pat Metheny ou un Stevie Ray Vaughan, pour ne citer qu'eux. Chez lui, c'est dû à une attaque très particulière des cordes, c'est-à-dire qu'il joue au doigt nu, pas au médiator, et avec une alternance entre pouce, index et majeur qui est absolument pas orthodoxe. C'est vraiment l'exemple de l'autodidacte qui a transformé en signature sonore ce qui apparaîtrait comme des défauts pour n'importe quel prof de guitare. C'est un peu comme le jeu en picking très bizarre de Paul McCartney. Hein. Mark Knopfler, c'est quelqu'un qui a l'art de donner l'impression de chanter avec sa guitare. On peut vraiment siffloter un solo d'un bout à l'autre, quoi, vraiment comme un air de musique entêtant. Et c'est justement ce statut que Knopfler, dans lequel Knopfler n'a pas voulu se laisser enfermer. Lui, il s'est beaucoup concentré sur une vision épique de la musique. Et ça a donné en 82, par exemple, l'album Love of a Gold, qui compte que 5 chansons. Et la première, donc Telegraph Road, pour ne pas la nommer, fait plus de 14 minutes, quoi. Mais l'apothéose, c'est Brother in Arms, donc. Parce que là, Mark Knopfler, il nie quasiment son rôle de soliste. La moitié des chansons ne comportent pas de solo de guitare. L'instrument, il est là surtout pour colorer les textes, donner des touches impressionnistes, superposer des textures sonores, poser un climat. Et tous ces penchants, finalement, vont un peu jouer des tours à Dire Straits. Parce que les orchestrations, finalement, vont s'alourdir, les couches instrumentales vont cesser de s'empiler. Et quand ils reviennent en 91, il y a comme un goût de surenchère, de trop plein et au final un son assez impersonnel. Et au fond, ben, le groupe rate un peu sa sortie, quoi. On sait que Knopfler n'avait en fait pas vraiment envie de réactiver tout ça, ce qui était devenu finalement une grosse machine. Trop de logistique, trop de business, trop de monde, trop de dates dans la tournée, trop de tout, quoi. Il l'a souvent dit d'ailleurs, il n'a jamais regretté d'être passé à autre chose. Et surtout, il n'est jamais revenu en arrière. Et c'est tout à son honneur, moi je trouve, d'avoir continué dans sa voie, quoi. Mais soyons fair play, et pour finir, je vous propose d'écouter un dernier morceau dans British Connection, tiré justement de ce dernier album, The Bug. Standing Connection, l'émission rock vous propose l'album de la semaine. Découvrez trois titres d'un groupe que les autres radios ne prennent pas le temps d'écouter. C'est la troisième partie et fin de cet album de la semaine. Il s'appelle Intrusive Talks, l'album Dysphorie. Et vous pouvez d'ailleurs le retrouver gratuitement, les téléchargés sur Bandcamp. Et pour finir, on a Concerto qui est l'interlude de l'album. Donc ce sera le premier morceau de la phase B du vinyle. C'est un morceau qui fait 1 minute 20 et qui part de la simple idée de faire un morceau très très rapide avec une seule note tout du long. On a un peu dérivé dans des esthétiques surf noise dessus. Et voilà quoi. Bonne Vous êtes chaque semaine de plus en plus nombreux à écouter British Connection, ici même sur votre radio favorite. Pour vous remercier de votre fidélité, l'émission vous offre encore plus de rock. Everybody. Voilà, ça c'est le tout nouveau Travis avec le morceau Bus. On va terminer cette troisième partie de British Connection. Dans un instant, on se retrouve pour la dernière phase de British Connection de cette saison. Pendant les vacances, je vous propose d'écouter des podcasts British Connection, des centaines d'heures pour patienter jusqu'à mi-septembre. Et puis c'est vos dernières chances pour recevoir le t-shirt Collectors British Connection pour frimer cet été. Vous laissez vos coordonnées en message privé via la page Facebook de British Connection et vous serez une centaine, et oui je dis bien une centaine, à remporter votre t-shirt.